Moineau patenté, avec ma brute, ma fille et sa truante. À savoir si c'est Tony, il faut demander à Jimmy. Jimmy de Dean. Et si tu crois pas cette histoire, en panoramique, format digital. C'est quoi le format digital? C'est numérique. Numérique. Ben numérique, ni numéro. Numéro, moi je suis numéro. Zéro. Zéro. Et c'est ça, c'est des 0 et des 1 dans le numérique, savez-vous ça? Ben oui, mais Tony! Tony quoi? Tony Truant! C'est le moineau. Le moineau est dans qui? Ben, il est dans personne. C'est Jonas qui est dans la baleine. Ah, mon loup. J'ai mal au tympan, moi, là. Mais... C'est qui, toi? Je suis Tony... Non, c'est... je suis... Hein? Je peux pas me tromper. Il y a tellement de prénoms dans le monde, de noms, de surnoms, de bedons, bedonnants. Et puis au Québec, là, les bedons, bedonnants, là... Ben, beau s'entraîner. Là, il y a des versions. Je m'entraîne! Hey, je m'entraîne! Hey, en santé avant de mourir, c'est bien ça. Je m'entraîne pour être heureux en santé, un esprit sain dans un corps sain. Mais oui, les saints, je vous salue, Marie. Pleine de baisse, pleine de graisse, d'amour. Des belles poignées d'amour. Tu sais, mon amour, je suis ta maîtresse. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'ai voulu. Rénal Gagné. Ah non, mais c'est direct. On dirait que je me sentais, excusez-moi, monsieur Brebis. Arrêtez de vacher de Verchère Mercier, s'il vous plaît. Mais je me sentais comme dans un... dans une capotale. Non, dans une écapotale. Dans une tombale, une pierre tombale. Non, dans un poste de tombale. Tombé, tombeau. Tombé du nez. Non, j'aurais dû me moucher avant. Je sais, c'est dégueulasse, madame. Je ne le ferai plus. Non, non, c'est épouvantable. Vous allez entendre mon ami Grenot qui, lui, bon, il était plein de... Mais oui, je me sentais comme dans une centrale de police. Tu sais, là, quand ça fait 2 heures qu'on t'interroge juste à te demander... T'es qui, toi? Là, tu ne nommes personne. Tu dis, je veux pas mouiller personne. Ben, tu mouilles pas personne. C'est toi, ton nom. Ah, j'ai pas de nom. Mon nom est personne. Ben, il voulait être quelque chose au début, là, mais il s'est comme enfoui. Ben, plutôt, j'ai oublié. Là. Ces temps-ci, plus trop de mémoire. Mais là, surtout sur mon âge. On dit, hey, Réjean, j'ai quel âge? Là, je dis, j'ai l'âge de mes artères. Là. 3000 ans avant Jésus-Christ. Je suis pas encore né. Je suis dans un spermatozoïdement confiant. Là. Je suis comme une... J'ai pas de tête. Et ça, c'était peur. Hein? Savoir que tu fais affaire avec quelqu'un qui n'a pas de tête. Il part partout. Lui. C'est comme si la voiture roulait sans chauffeur à 100 000 à l'heure. On ne sait pas ce qu'il y a là. Il y a des gens qui partent. Je fais pas, non, non. Je fais pas l'autruche, madame Thibodeau. Je fais des gens qui courent. Qui court pour ne pas se frapper par la voiture. 100 km, pas de chauffeur. Quoique des fois, mieux vaut pas en avoir. Parce que elle t'en voit quelques-uns, là, c'est en train d'écrire ouais, ben, sur leur pitonneux, là, piteux. Ils sont très piteux. Là. Je t'aime, mon amour, viens te voir avec un bouquet de fleurs. Puis là, ils sont crampés sur leur texto, MSN, TPS. SAP, comment t'appelles ça, TPS? Non, non, c'est des textes. Je déteste ces testes, surtout au volant, parce que là, t'es concentré là-dessus, tu dis, oh, t'as des affaires, là, il y a des voitures qui partent, toi, tu le vois pas, tu vois rien, t'es concentré, tu pleures, tu te souviens qu'elle t'a laissé parce que t'es un imbécile. Tu croyais que mèche, mais tu n'es que suif. C'est beau. Je me le mentionne souvent. Le peuple va s'en souvenir à ma mort. Là. Ils vont tirer des champignons. Comment ça, des champignons? Non, des champions. Des champions. Ils vont tirer des champions en disant... Ça n'était pas un... Un quoi? Un champignon? Un champion? On est dans le champion, là, c'est un champignon. J'haïs ça, le champignon. Ça n'a pas de goût. C'est dégueulasse. C'est spongieux. Ça sert à rien. Les gens qui mettent ça dans la cuisine, mauvais goût. Vous êtes des gens que j'adore, que j'embrasse, mais vous n'avez aucun goût. Oh, non, il y a le champignon squeegees. Celui-là est spongieux et donne un goût amer. Oui, amer. Oui, je vous emmerse. Par exemple, des oignons. Mais ça, des oignons, ça fait pleurer. C'est tellement bon. Quand tu n'es pas capable d'en prendre, tu pleures. Ah, c'est des oignons. Ben oui, oui, mais ça, oh, c'est des oignons. Oui, c'est des oignons. J'en ai partout des oignons, moi, là, là. Dans tous les mets, sur les pieds, les doigts, les ongles. T'es ragoûtant, très ragoûtant. Surtout en décembre, là, ça gèle, ces oignons-là. Là. Puis là, quand ça fond au printemps, là, ça dégouline, là, ça arrive sur les petites demoiselles qui viennent de naître. Là, pouf, pouf, pouf! Là, ah, c'est l'été, mais oui, c'est le printemps! Là, c'est folle, c'est folle, c'est folle, c'est folle. Les gars, c'est fou, ça aussi, là. Hey, à moins 40, là, ils étaient en mitouflés, tu voyais même pas, tu ne pouvais pas savoir si c'était des gars ou des filles. Puis là, maintenant, là, hey, au mois d'avril, déjà un petit peu doux, là, ça couronne, yeah, monsieur. Comme des poules pas de tête. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés. Moi, c'est l'original. Rénal, l'original. Puis la madame, là, au loin, c'est la madame en noir. Madame en noir. Oui. Oui. Le madame en noir. Le madame en noir. Quel madame c'est. Ah, c'est fou, hein? Non, mais Arnaud, on ne croyait pas la voir. Puis c'est comme une étoile filante. Si tu ne la regardes pas, elle passe sans que tu l'observes. Là, elle va faire ça pendant 2-3 semaines, là, parce qu'elle veut qu'à un moment donné, tu la scannes. Parce que la madame en noir aime ça, être vue. Le madame en noir. Oui. Le madame en noir. Le madame en noir. T'entends le lichet de micro? Monsieur le micro, monsieur le micro. Monsieur le micro. Mesdames la microbe. Et vous, cher puceron. Bienvenue à l'émission de... Des pucerons, c'est qui les pucerons? C'est les gens qui sont pas membres de CKRS, c'est des pucerons. Ben voyons donc. Plus ils en seront pucerons, moins ils en seront... Petit patapon. Et petit papa, et petit papa, et petit papa de boudou, et petit papa, de petit papa, de petit papa de boudou. La pâle, la pâle, la pâle, la pâle, la pâle, la pâle, la pâle, la pâle, la. Femmes vont pleurer, il faut arrêter ça. Là. Un jour, mon mari viendra. Et ça, j'ai tout mêlé les feuilles, Madame la Présidente. Alors, je repère du repère les pépères. Moi, je l'ai trouvé. Hein? Moi, je l'ai trouvé. Ben oui. Moi aussi, je viens de le trouver, là. Je le prise des mains. Hein? Ils veulent toujours être les... Hein? Voyez-vous ça? Eh bien, je l'ai trouvé, oui. Pendant toute votre vie, monsieur, là. Ben oui, j'ai trouvé. Oui, t'as trouvé quoi? J'ai trouvé le sens de la vie. Oh, attention. Hey, on s'arrête ici, s'il vous plaît, 30 secondes. Ça prend combien de temps pour raconter le sens de la vie? 2 minutes devant le micro. 2 minutes 43. Oui, mais baisse le micro, Jean-Marc. Baisse le micro, monsieur. Avez-vous vos orthos sont levés? Mes orthos, non, c'est mes abdominaux. OK. Avons-nous besoin des abdominaux pour monsieur? Vous êtes monsieur? Grinchot. Grinchot de Bordeaux. De Bordeaux, à Québec? Non, à Trois-Rivières. Y a-t-il un Bordeaux à Trois-Rivières? Ben oui. J'en viens. Que faisiez-vous? Monsieur, prenez pas. Je connais le sens de la vie. Ben oui, attendez, on vous l'a demandé, là. Calmez-vous. Je vous présente mon hôtesse. C'est la madame en noir. La madame en noir. Oui, c'est madame, monsieur. Le madame en noir. Quel madame c'est? Hein? Monsieur? Mais c'est monsieur, madame, non, c'est pas... dites-moi le sens de la vie. Le sens de la vie! C'est pas un sens unique, là. C'est un sens bidirectionnel. Universellement ouvert sur la planète. Et dramatiquement rigolote. Mais comment peut-elle être radicale? Comment? Dramatiquement rigolote. Ben oui, comment peut-elle être radicalement mini-gorlotte? Elle n'est pas gorlotte, elle est radicalement rigolote. Ben oui. Je ne suis pas capable de vous suivre, moi, là. Ben, suivez-moi, M. Grenier. La vie. Oui. Ah non, dites-moi que... Non, le sens de la vie. Oui, c'est quoi le sens? Ben, le sens de... Monsieur, oui. Le sens de... Ben, là, dites-moi, là, on va vous lâcher, vous, là. Non, OK. Fauchez-vous pas, vous, là. À mon âge, je demande un respect. Un respect pour... Parce que j'ai mal au dos, mais il faut que je m'appuie sur le respect. 3 semaines dans le respect, moi, ça me fait du bien, je l'évite. Je n'évite pas le respect, mais je l'évite, je monte en l'air, je descends en bas, je zouine dans l'air. Ouais, le monsieur. Oui, on a le monsieur. Le vieux monsieur. Le vieux monsieur, il est ici, oui. Vieux monsieur, vous êtes là? Non, je suis pas là. Est-ce que c'est le vieux monsieur? Non, je suis le vieux. Allez, on a 2 heures, là. Vieux. Arrêtez-le. Vieux monsieur, OK. Vieux monsieur. Oui, c'est moi. OK. Pourquoi vous vous placez devant, derrière le micro? Ah, je suis, comme vous l'avez dit, bidié. En tout cas, je viens de partout. Oh. Le sens de la vie? C'est l'amour. Il y a c'est l'amour. C'est l'amour. J'étais sur mon cul, quoi. Hey, lui, il était... Est-ce que je peux avoir la cassette de ça? Ben, formidable. Arnaud, on te fait une cassette, on te l'emballe, on te la remet en main propre avec une bonne petite bière. Une bière de chez nous. Il y en a de la bonne bière de chez nous. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-unes? On peut pas faire de publicité, c'est dommage. Oui, hey, monsieur. Monsieur Arnaud, écoutez-moi, là. Soyez tranquille. Pendant 30 secondes, là, soyez tranquille. Parce que... Oh. C'est pas vrai. J'étais sur mon cul, quoi. Vous étiez sur votre cul. Oh. Est-ce que je peux avoir le cassette de oui, ça? Oui, comme je vous l'ai dit. Formidable. Oui, c'est extraordinaire. Puis avec la bière de CKRL, oui, ça vient de m'arriver, mais il faut dire que hey, mon c'est quoi, ma mue actuellement. Comment ça, elle mue à 22 ans? Comment on peut muer à 22 ans? Bien, parce qu'elle a un serpent, puis elle se prend pour son serpent. Puis là, son frère, lui, il a un serpent, puis il se prend pour un serpent. Puis son beau-père, mais lui, avec tout ça... Là. Vous voyez que sa famille était cinglée, mais il s'est... C'est quoi? Il s'est... Ça veut dire quoi? Il s'est... Mais voyons donc, c'est... Pendu. Oh, mon Dieu, avec quoi? Avec le serpent du serpent. Oh, puis là, pendant ce temps-là, il changeait de peau. Fait qu'il est tombé à badin. Il s'est cassé 2 jambes, la tête en plein sur le... C'est affreux. C'est affreux. Claude Poirier s'en est occupé. Ah non, c'est pas vrai. Ben oui. Il vient de faire son enquête, là. Il sait que Claude Poirier. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a rien dit. Il a examiné. Il parlait pas. Ben, touchez-vous! Comment il est, hein? Tout à fait frais, hein, gentil et aimable. Touchez-vous! Il faisait le tour du tombeau. Touchez-vous! Ben, le tombeau, parce qu'on avait déjà préparé. On gossait le tombeau. Tout autour du mort. C'est une... c'est quoi? C'est un... Pas un rictus, c'est un... Non, ça, c'est un sourire. C'est pas très beau, ça. C'est un, ça fait partie de la culture. Nous, on n'a pas de culture ici, là. Mais là-bas, là, c'est... Quelqu'un quitte ce monde. Donc, le gosseux de bois se présente et prend les mesures. Il va bâtir le cercueil à même le mort. Et puis, avec ça, ben, ils vont mettre en dessous une petite planche très, très mince pour le décoller, le mettre en dessous du cercueil qui ont déjà... Ils clouent ça. Il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien qui... Non. On fait confiance aux morts, là, on dit « t'es mort, OK, puis va-t'en heureux. Mais, notre vieille terre est une étoile, et toi aussi, tu brilles un peu. On vient te chanter la balade de gens heureux. » Artiste dans ta cathédrale, parle-moi un peu, ou vas-y, petit vieux, hein? Ta balade, t'es malade, oui, t'es malade. Mais monsieur le président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante errance rénaldienne. L'absurde aventure s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant l'agagé. C'est quoi ça? C'est une marque en Amazonie. Les guenons et les guenounes. Ici, il y a des guédounes, mais ici, là-bas, il y a des guenounes. Les guenounes vont pour aller tirer le guenon, puis le guenon fait... Puis là, il y a... Après ça, il y a accouplement. Puis... Et il y a des enfants qui naissent. Les enfants qui naissent d'un amour véritable inévitablement ressemble à cet amour. Un enfant qui meurt d'un chagrin véritable inévitablement s'endort en pleurant. Et les amants qui dorment de mère femme. Aujourd'hui, le vendredi 14 décembre 2012, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Le micro est bien. On dirait que c'est gommeux. Oui, c'est normal. Okay. C'est hier. Ils sont pas... Il s'est passé des choses sur ce micro-là hier. Mmh, il y a des enregistrements pour... En tout cas. Une autre émission, pas errance rénaldienne, mais on prépare quelque chose d'assez explosif. Je ne sais même pas si ça pourra jamais être présenté dans aucune radio. Au pire, ce sera au pire, au mieux, on vous le divulguera sur Internet. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du musicien Freddy Della. Freddy Della, né le 15 juin 1952, est un chanteur et harmoniciste français. Il est né en Algérie française. Il a alors 5 ans quand il découvre cet instrument, l'harmonica. Son papa, commissaire de police de son état, est grand amateur de percussion et cela le mènera sur scène 2 ans plus tard à l'occasion d'un gala au profit des œuvres de la police nationale. Freddy devient alors l'un des plus jeunes et plus doués harmonicistes d'Afrique du Nord. Freddy Della a accompagné, enregistré, collaboré, partagé la scène en tant que batteur et ou harmoniciste avec Frank Langhoff, Antoine, Renaud, Serge Gainsbourg et Vanessa Paradis. En juillet 2012, Errance rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet homme lumineux et rempli de passion. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Il faut s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter. Used to spend belle ma moto. Elle est belle ma moto. Je me la suis payée tout seul. Je regarde les gens qui passent et me font des dires des badauds. Elle est belle sa moto. Elle est belle sa moto. Elle est belle sa moto. Vas-y, qu'est-ce que tu bois? Un Perrier Menthe. Ah voilà, et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux boire quoi? Vous prenez quoi? Moi, je veux boire un café. Ça marche. Et puis, toi? Un Perrier Menthe. Voilà, voilà. Et deux Perrier Menthe. C'est ça. Ben voilà. Avec plaisir. Et la vie est belle. La vie est belle, oui, voilà. Mais il fait beau. Quand hein. Tu fais beau comme ça, exactement. Hein. Ben voilà, c'est bon. Oui, effectivement, il y a des hauts et des bas. Tant qu'on a la santé, le reste, c'est pas grave. C'est voilà. Vrai. Vous êtes, je sais pas si mes... Ben bonjour, hein? Alors, bonjour, non mais il faut commencer par le début. Oui. Vous êtes venu de loin, de très loin pour mon émission et j'en suis flatté. Oui, je viens de dans le département qui s'appelle l'Oise, oui. Dans laquelle la ville principale est la ville de Chantilly. Okay. Où a été créée la crème Chantilly, oui. Qu'on met sur les glaces, voilà. Ben oui, nous connaissons, ben, nous sommes des épicuriens, nous voilà. Aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique? Premièrement, vous venez d'un petit coin en Algérie, vous êtes né... Moi, je suis né à Alger, okay. à l'époque où la France, où l'Algérie était un département français, okay. jusqu'en 62, où l'Algérie a été indépendante. Donc moi je suis né là-bas, mon père étant fonctionnaire dans la police, était commissaire de police. Donc d'Alger, il a été nommé dans un autre poste, mais en Grande Kabylie, c'est-à-dire en dessous la plus haute montagne d'Algérie, qui culmine à 2050 mètres, où il y a de la neige l'hiver. Comme chez nous, pareil. Ah, oui. J'ai connu beaucoup les pistes de ski, tout ça. Et donc l'été, il fait très très chaud. Il y avait beaucoup de plaines d'oliviers, d'orangers, etc. Et l'hiver, il y a le froid et la neige, et puis voilà quoi. Donc c'est... Et puis pas loin de là, environ dans ces secteurs à 50, 60 km, il y a la mer. Donc ça veut dire qu'il y avait les trois climats, quoi. La mer, la montagne, les plaines. Donc oui, c'est les vacances en permanent. Oui, c'est l'oasis, c'est ce qu'on cherche chacun d'entre nous. Voilà. Et donc, j'ai commencé à jouer un petit peu d'harmonica à l'époque, à l'âge de 5 ans. Voilà, mon frangin qui est plus vieux que moi avait un harmonica, il ne s'en servait pas. Il laissait ça dans le tiroir du buffet. Oui. Et quand il partait au travail, moi je montais, je prenais l'harmonica, et puis je jouais, je la remettais en place. Et un jour ils sont aperçus de ça, puis ils m'ont fait cadeau, mon premier harmonica. D'ailleurs il est en photo sur l'album. Oui, je l'ai vu. Oui. Et je ne sais pas où. Il est à l'intérieur, il doit y avoir une photo sur cet album. Non. Ah. C'est peut-être là-dedans, je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Oh, oui. Voilà. Okay. Et c'est vous, ça? Oui, c'est moi, oui. Un médaillon. Voilà, okay. C'est ça. Et donc, j'ai bougé le micro. Non, c'est pas grave. Donc voilà, ça. J'ai deux micros. Oui. Alors donc, j'ai pris ça et puis j'ai commencé à jouer un peu. Et puis, un beau matin, mon père m'a amené avec lui parce qu'il y avait au gouvernement général d'Alger, il y avait une fête de la police. Okay. Donc il y avait un orchestre qui était présent là, qui était là. Il dit, tiens, alors tu vas aller jouer là-bas avec les musiciens. Donc, et vous avez quel âge, c'est ça? Ah, 6 ans. Salut Thierry. On va faire le blues. Allez. On va faire le blues. On va faire le blues. Toujours installé là, tu vois. Et vive le blues. C'est parti là. Thank you. peine sans moi. Un pour dormir, un pour s'ennuyer, embrasser, énervé, lécher, un pour rigoler, un pour tremper, à se prendre. Quelqu'un a donné, quelqu'un a regardé, quelqu'un a frappé, quelqu'un pour s'escaper, quelqu'un pour se blesser, quelqu'un pour changer. Attention, Facebook veut manipuler tes informations. Chut, approche-toi dessus. Approche-toi de la radio. Chut. On veut pas dire ça trop fort parce que les ondes radiophoniques peuvent éclabousser les vaisseaux spatiaux. Hé, hey, les vaisseaux spatiaux, ça me taille à ta bouche! Qu'est-ce que tu dis? Ta bouche! Oh, j'ai une bouche tant mieux, deux oreilles libérées. Oui, oui, ton nez, mon nez pour sniffer. Oh! Manique de chance. Ok, c'est mieux. C'est mieux parce que ouais, mais moi, regarde. Regarde, oui. Regarde, oui, on te regarde. Et puis quoi? Tu m'as vu? Eh oui, bravo. Là, ici, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ah, pas d'aller ici maintenant, là, c'est attention, ok. Attention, s'il vous plaît, attention. L'émission que vous entendez pour peu. La malgestion, c'est pas tout faux. Peu. Peut contribuer à votre altération intellectuelle. Merci de prendre cela en considération. Bonne poursuite d'émission. Ça fait peur, hein? Alors attention, approche-toi. Arrête de faire peur au monde! Ils ont juste à regarder les grands titres des journaux, puis ils restent couchés pendant 3 semaines. Moi, ça a été 3 semaines et demie quand j'ai appris que Saturne était sous Chicago, puis que Marilyn n'est peut-être plus avec Ponro. Elle était avec qui? Ça me fait un peu... Je crains de dire la vérité. Non, dis-le la vérité! Ils vont me tuer. Comment ça? Ben, si je divulgue, la FBI, la CIA... CIA? CIA. CIA. CIA. C'est la CIA. La chanson de la CIA, ça, oui. Disque 4. 1, 2. Roger. Non, c'est Roger. Qu'est-ce que tu dis? demain dans vos rêves. Sur vos... qu'est-ce que demain? Qu'est-ce qu'il y a demain? Dans toutes les ondes radiophoniques, vous allez entendre cette chanson-là de la CIA. Si, si, si, si, CIA. Toutes mes feuilles sont à terre. C'est épouvantable. Oh, le chaos est pas si mal. Dit-il en se penchant. Monsieur, à mon âge, on arrive à plier et on se demande, vais-je me décoincer le lambado? Le lambado, le gros bateau dans le dos, là. Hey, monsieur, j'ai fait un beau gros bateau. Je me suis penché trop de fois. Et monsieur, je me suis fait un lambado. J'ai couru après le bedeau, parce que je me rappelais que dans mon enfance, c'est ce bedeau-là qui quoi? Qui frottait la bedaine sur mon bedeau. Oh! Que de mauvais souvenirs. Oh! Je ne rimerai pas avec beau. Pourquoi vous avez cru que j'allais dire beau souvenir? Il n'y en a pas de souvenir. Ça va bien? Et les regrets, oui, ça va. Et les regrets me reviennent sans cesse. Oh, c'est beau. J'ai été un ancien poète, moi, là, avant de me coincer le lambado. T'es également un danseur de pointe. Oh! De haute pointe, de haute mire. Travailler avec les soldats. Hey, y a pas de danseur dans les soldats. Hey, du beau, j'en étais un, moi. Oh! Un vrai danseur. Eh, hey, monsieur. J'étais élégant. Oh! Élégant. Okay. Attention, Facebook. Attendez, là. Parce que mon cerveau vous regarde. Qu'est-ce que t'as contre moi? Non, j'ai rien contre vous, monsieur. Vous êtes merveilleux. On vous embrasse. Ah, oh, moi pas, toi, le malade. Non, okay. Non, non, c'est une façon de dire. Là. Jamais j'oserais embrasser un ancien militaire. Respect. Respect. Respect, moi, peut-être. Oui, merci. Et monsieur, hein, il y a de la violence ce soir. Ce soir. Mais là, je vous regarde, vous me dites danseur de pointe. Danseur de pointe, première bam. Oh! Premier bam. Premier bam, deuxième bam. Vous faites un grand bateau. OK. Mais comment vous pouvez danser avec un poids excédentaire? Excédentaire, moi, t'as excédenté le visage. Oh! Non, j'ai accidenté le visage. Oh, mon Dieu Seigneur. Tu vas avoir un arrêt final. Tu condamnes pas même pu reconnaître ton nom. Oh! Quand on va te demander Saint-Douet, là, hein, ça va te rappeler des souvenirs. Allô? Le monsieur est parti? Gaétan? Hey! Ce soir? Fais attention. Qu'est-ce que t'as? J'ai des relents. Roland, t'as-tu des relents? Oui, j'ai des relents. Quand j'ai demandé à Yolande de me raconter... Oui, pardon? Monsieur, non, c'est, il est déjà... Lui, il a déjà plongé dans le punch. Et on divulguera pas la blague. Mais non, on verse pas le punch avant. OK, attention! Facebook veut manipuler vos informations, tes informations, mon jeune, pour les divulguer aux extraterrestres, mon vieux, qui viendront te chercher, ma vieille, pour éditer ton entité à volonté. Qu'on se le plise. Qu'on se le dise. Qu'on se le mise. Qu'on se... Oh, on va miser là-dessus, moi. Moi, je te dis, je te parie. Ma carte de membre de CKRL, valide, elle est valide. Moi, je suis invalide, mais elle est valide, moi. Intellectuellement, invalide, moi, pas capable, plus capable. Là. Regarde dans le dictionnaire, c'est écrit capable. Je suis innocent, cette phrase-là. Regarde dans le dictionnaire, ça existe capable. C'est pas écrit capable. On m'a déjà dit ça quand j'étais jeuneau, là. J'ai regardé dans le Robert. Avant, j'ai appelé Bernard Pivot. Parce que je me suis dit, c'est l'homme de la situation. Hein? Puis, oui, merci, c'est l'homme de la situation. C'est l'individu qui peut me diriger dans les méandres de la francophonie. Ouais, veux-tu arrêter, toi? Parce que ce que je veux faire, c'est essayer de rejoindre Pivot, s'il vous plaît. Je demanderai à Georgette de trouver le numéro de Bernard, OK? Puis on serait très bien, OK, on serait bien heureux. Quoi? OK, l'homme fait signe. Ça risque d'être difficile, hein? Il est très tard dans la nuit, là. Là-bas, il est 5h15. Parce que nous devons faire préenregistrer cette rencontre radiophonique-là là, avec Bernard. Mais Bernard, ça c'est les... OK, c'est à travers la... Ben oui, c'est un interrupteur. Bernard? Eh, monsieur, on vous réveille, Bernard? Bon, c'est vous, le grand Manitou de la francophonie, langue française égale Bernard Pivot, c'est un synonyme, hein? Bon. Et monsieur, qu'est-ce que vous faisiez avant de... OK. Tu as enlevé l'écho parce que Bernard a l'air beaucoup plus souffrant que... Ça, c'est sans doute le décalage, hein? Ben oui, je le savais. Bon, là, on se demande, là, qu'est-ce qu'on se demande? On se demande absolument rien. OK, on va raccrocher Bernard. Non, on se demande. Tu sais, on dit que t'es pas capable, t'es incapable. Que regarde quelqu'un capable, c'est quelqu'un capable qui n'existe pas. N'existe pas, voyons donc. Dans le dictionnaire, pourquoi on nous dit que des mots ne franchissent pas le seuil de ce livre épais? Un peu comme moi. Et là, quand on est enfant, on y croit, ces choses-là, là. On s'en va voir, puis on se rend compte que ça existe. Dans le grand livre de Bernard Pivot, Bernard, c'est toi, Bernard? Bon. Dans le grand livre de Bernard Pivot, si je regarde capable, le mot capable, est-il écrit noir sur blanc dans tous les dicos? Les dicos francophones, là. Alors, pourquoi, lorsqu'on est enfant, ou peut-être moins sain d'esprit. Un enfant est sain. Oui, je dis les enfants et les gens qui ne sont pas sains d'esprit. Et j'inclus que ces gens-là pourraient croire à ça. Facile, là. Tu demandes des individus qui achètent des loteries. S'ils s'imaginent gagner, des gens-là sont un cran en bas. Fait qu'ils pourraient peut-être croire que le mot capable n'est pas dans le dictionnaire. Est-ce vrai, M. Pivot? Bon. Alors, si on demande à ces individus, c'est dur à dire, ça, monsieur, mais si, combien de choses, si, ça va bien. Est-ce possible, mon Bernard? Merci. Raccroche, pas, on n'a pas d'interrubant encore à faire de plus, là, c'est, à cette heure-là, c'est plus cher, on n'a plus les moyens financiers. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Là, ici, maintenant, c'est bien commencé, hein? On continue. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et on doit faire vite parce qu'on a déjà empiété sur rien. Et quand on empiète sur rien, croyez-moi qu'on a des pas à franchir. Ça d'allemand. Le vieux Sanchez est un génie, mais je suis le seul à le savoir. C'est comme moi, tout le monde cherche mon intelligence. Où est-elle? Est-elle? Mon intelligence, une intelligence. Oui, où est ta matière grise? C'est la peau de ta grise qui est pondée. Et dans l'église, ma matière grise est dans l'église. Quelle église? L'église, c'est vrai, l'église anglicane, l'église catholique, l'église communale. L'église rénaldienne! Ah, mon Dieu, c'est la grosse noire! Non, ça, c'est mon ancienne épouse. C'est pas la grosse noire. C'est le gros bleu, là. Le gros bleu! Ouais, le gros bleu derrière la grosse noire. Oui, mais mon épouse est derrière le gros bleu. La charmante Noala. Noala? Noala Mala. Noala Mala, c'est quoi ça? Ça, c'est Noa Kemalquin. C'est indien, ça, c'est des Indes, puis quand ça vient des Indes, vous connaissez pas vous autres, vous les Indes, là, ça vous dit rien, Zindes, ben Zindes, non, c'est Zindes, en Inde, c'est Zindes. Plus c'est Zindes, plus c'est de là-bas, puis moins c'est ça, plus c'est d'ici, parce qu'ici, on est loin d'être Zindes. On est stressé, on est sur le gros nerf, pas le petit ni le moyen. Là. C'est comme le do, ré, mi, fa, sol. Les cordes, vous jouez-vous de la guitare, vous? Ben moi, je joue de la guitare à avant. Oh! Ben, c'est parce que mon épouse jouait de la flûte à cordes. là, on nous disait ça n'a pas de bon sens, de la flûte à cordes, ça n'a jamais existé. Ben, comment ça? Elle joue, elle. Ben, elle joue. Et vous? Ben, moi, c'est l'inverse, moi. Je joue de la guitare avant. Eh, monsieur! Ça, c'est avant que mon épouse se mette à la flûte à la flûte à cordes. Eh, c'est très clair. C'est clair et limpide, et limpide. Oui. Limpide comme ça, là, c'est crémeux. Plus c'est crémeux, plus c'est solide, plus c'est dur à extirper, plus il y a de douleur, plus on pleure, plus il y a de larmes, plus on risque de se soigner. Si vous avez faim, tapez 1. Si vous avez le feu, tapez 2. Si vous avez froid, nous n'avons pas pu vous identifier. Rien à battre, tapez 4. Toujours les mêmes qui trinquent, tapez 5. Vous appréciez cet exercice, nous n'avons pas pu vous identifier. Mais si vous n'avez pas de bras, alors ne tapez pas. Si vous n'avez pas de main, tapez rien. Vous saisissez le concept. Tapez 7. Vous connaissez la suite. Tapez 8. C'est pas du bluff. Nous n'avons pas pu vous identifier. Vos paupières s'alourdissent. Tapez 10. La solitude vous pèse. Tapez 10. Les étoiles, nous n'avons pas pu vous identifier. Mais si vous n'avez pas de bras, alors ne tapez pas. Si vous n'avez pas de main, ça ne prend pas. Tapez rien. Allez mieux, tapez 2. Si vous n'allez pas, nous n'avons pas pu vous identifier. Et j'ai commencé à jouer. Alors la première chanson que j'ai jouée avec les musiciens, c'était une chanson, je ne sais pas si vous connaissez, au Canada, Montagne au d'Italie, au Québec, oui, Montagne d'Italie, c'était Montagne d'Italie. Ça faisait la la la la la la la la la. C'est un truc tyrolien, quoi, okay. Un peu. Et donc j'ai joué ça. Et puis ensuite, donc, moi j'ai continué. Et quelques temps plus tard, parce que pendant la guerre d'Algérie, parce qu'on a appris la guerre, les événements, il y avait des soldats du contingent qui avaient formé un orchestre avec des pieds noirs du coin. Et tous les dimanches matin, ils répétaient. Et tous les dimanches, j'allais là-bas, je m'asseyais, j'attendais. Et quand ils avaient fini de répéter, ils disaient, tiens, allez, laisse jouer le gosse. Je commençais à jouer la batterie. De la batterie ? La batterie. Parce que je suis batteur aussi. Ok. Et donc, j'ai continué à jouer, etc. Et puis ensuite, on est rentré en France. Et ma ville d'accueil, à l'indépendance, ma ville d'accueil, c'était Rouen. Je suis arrivé à Rouen. Et là, j'ai connu mon premier copain de classe, puisque j'étais arrivé pendant les vacances. Okay. Je connaissais personne. Hein. C'était totalement changement de vie, de tout, quoi, de pays même. Et donc j'ai connu mon premier ami, copain, à l'école, et il jouait aussi un peu d'harmonica. Nous avons formé le trio, un trio d'harmonica, ça s'appelait le Vosslion, parce que le gars qui était, on l'appelait, il était beaucoup plus vieux que nous, on disait le vieux, il avait que 35 ans, et nous on avait 18 ans, 17 ans. On avait fait le trio d'harmonica Vosslion. Okay. Et on faisait des parties comme ça, on jouait à droite, à gauche, on avait monté un répertoire. Moi, j'ai joué le soliste, mon copain, il jouait le polyphonia, c'est oui. L'harmonica de rythmique d'accompagnement, et, oui. Le chef, il jouait la basse. Okay. Et donc, on avait fait ça. Et ensuite, j'ai rencontré mon premier pote, Franck Langolf, qui était devenu le compositeur plus tard, de Van de Pas, de Patricia Cass et compagnie, tout ça. Bon, ça, c'est mon ami d'enfance, okay. C'est mon plus grand ami, quoi. Et on a formé le groupe Les Vikings. avec Henri, celui qui jouait de l'harmonica, qui est passé à la guitare rythmique. Okay. Franck qui passait à la basse, moi qui étais à la batterie, et un autre pianoir, Doran, qui était Doran, le type espagnol, il jouait la guitare. Okay. Et on a formé le groupe Les Vikings. On faisait une un peu Shadows, okay, mais avec une intonation hispanique dedans, un peu spéciale. Et on commençait à chanter déjà nous déjà des chansons en espagnol. Okay. Déjà. Et puis des chansons de Franck déjà commencé. Et moi à cette époque je chantais Suzy Q, ah oui, et My Bonnet. C'est ah oui, les deux chansons que je chantais dedans. Je chantais ça moi. Okay. Mais vous faisiez un spectacle de deux chansons chantées, voilà, et le reste était instrumental. D'ailleurs on retrouve sur mon site, okay, on retrouve une prise de vue de 1963. Oh, je l'ai vu, on a fait, oui, et donc Les Vikings et moi je suis à la batterie. Oui, oui, oui, oui. C'est qui avait pris aux événements au journal de TF1 au journal. Oui, oui, aux informations. Voilà, aux informations, sur ça. Donc après j'ai continué, bon, je suis toujours resté en contact avec Franck puisque moi j'ai joué dans l'album de Vanessa, j'ai fait Mosquito, tout ça. Vous jouez de la batteur harmonica, okay, mais j'ai fait le studio beaucoup avec, okay, Franck. Okay. Franck était à cette époque, Franck était attitré chez Pathé Marconi, ouais, il faisait des maquettes, okay, on faisait des maquettes. Okay. J'ai garé la Bentley dans le gymnase de grand-père, l'hélico de mémé dans le petit coffre-fort, enterré les avoirs et les bons du trésor sous le grand baobab dans le parc de derrière. J'ai dit à Rubinstein que j'arrêtais le piano, à Zinedine Zidane, l'UNESCO, vu que ça rapporte que quick, tous ces beaux idéals, même plus en France-Afrique, j'investis dans le football. C'est la crise. Vous prendrez bien un petit gâteau. Très chère marquise, j'aime beaucoup votre manteau. J'ai planqué les Magritte de la chambre des Clinton dans le zoo de la petite près du nid des vautours. Un virus de la grippe est enfui tout autour. Deux ou trois dossiers hôtes d'au moins 300 000 tonnes. J'ai licencié des bonnes pour faute professionnelle. N'allez pas croire la une des magazines People, les fourreurs de petits fours, les sorteurs de poubelles. J'ai revendiqué Carrefour et j'ai gardé Lidl. C'est la crise. Mettrai-je un doigt de Porto? Que voulez-vous que je vous dise? Vous oubliez votre râteau. J'ai caché le Concorde dans la cave à cigares, les caisses noires de chez Dior sous la baignoire en or. Dans l'aile sud du boudoir, les diams c'est dans l'aile nord. Mes peignoirs en croco dans le bunker à Slibar. Mes chers compatriotes, nous sommes dans la panade. J'entends déjà les bottes des lèvres, toi camarade. Si j'en crois mes experts, c'est tout un cinéma. Ça finira par le faire, comme dit Madame Irma. C'est la crise. Vous prendrez bien un petit noyau de cerise. Ne me remerciez pas ces cadeaux. C'est la crise. Je me taperai bien un petit lingot de foie la mise. Ne me remerciez pas ces cadeaux. Cadeaux. Dans ce regard absent et son iris absinthe. Et nous avons ici la chance d'avoir un serpent qui veut nous lire la variation sur Marie-Lou. Les variations sur Marie-Lou. Parole Gainsbourg. C'est pas tous les jours qu'on a un appel d'un serpent qui tient à faire une apparition radiophonique, surtout à Québec. En Arizona, c'est couru. Tout le monde sait qu'il y a des émissions de radio de serpents. Des serpents animés. Là. Bonsoir. Nous vous présentons ce soir. Que des belles choses. n'est-ce pas, Toise? Nous avons la voix qui découvre. Je vais manger du sang. Non, j'ai plus du sang. J'ai mangé de la peau et j'ai plus du sang. J'ai mangé de la peau et j'ai plus du sang. Mais ici, ce soir, nous avons à Limoilou, à Québec. À Limoilou, c'est 3e avenue, 4e rue. Un serpent. On l'a étudié, ma Gaétane. Je crois que tu en as soufflé mot. Et sifflé musette. Alors, profitons-en avant qu'il se faufile. C'est un serpent à sonnette. Oh non, qu'est-ce qui se passe? La tablette a fermé. Ça, est-ce que ça va revenir? Oui, nous l'avons ici, merci. Alors, vas-y, mon serpent. Merci. Un peu d'écose. Dans son regard absent. C'est son iris absent. Tandis que Marie s'amuse à faire des vols. Il vole. De sèche au menthol. Entre deux bulles de comic strip. Non, voudrais-tu me préparer deux bulles de comic strip? Deux bulles? Deux bulles. Mais brosse-les pas parce que si tu mélanges ça avec de la glace, ça risque de faire une explosion qui pourrait nous anéantir pour quelques heures. Ben, si on est anéanti. Oui. Si on est anéanti, c'est pour la vie. Oh mon Dieu! Alors, on ne peut plus revenir sur bière. Non, on ne peut pas revenir sur bière ni sur Marle. Oh mon Dieu, Pierre Marle. Non, c'est Guy Marle. Carl Marle. Carl Marle. Parle Marle. Parle Marle. Non, c'est Jules Carl. Jules Carl. Hutte de sèche au menthol. Entre deux billes de comic strip. Pss, pss, pss, tout en jouant avec son zip. Pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, de ses Louis. Je lis le vice. Pss, pss, pss, pss, et je pense à Carole. L'hélicoptère vient nous chercher. J'ai gagné. Nous survolons ces KRL. C'est terminé cette émission-là. Là. Il y a une lumière qui viendra vous chercher pour vous téléporter. Êtes-vous prêt? Non! Êtes-vous prêt? Non! Êtes-vous prêt? Non! Dans un regard absent et son iris absent. Tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes au menthol. Entre deux bulles de comic strip. Tout en jouant avec son zip. Entre bailler ses Louis. Dans son regard absent et ses nourrices absentes. Absent, dis-je. Tu dis quoi? Je dis-je et je redis-je. Terge, je vous appelle. Impurge, je nurge. C'est ainsi que je frayerai mon chemin. Ça, c'est la danse du serpent pour l'endormir et lui couper la tête. Es-tu malade, copain? Oui. Est-ce que c'est comme le ver de bière? Non, le ver de terre. De bière ou de terre? Ben, il devient de terre et il se transforme en bière. Le ver de bière. Ben, de bière, donc c'est le ver de terre. Quand tu le coupes en deux, oui, en deux, ben, en part égale, OK. Est-ce que c'est vrai que ça se reforme tout seul par magie? Je n'ai jamais essayé ça, moi, là. Ben oui, quand tu coupes le verre de terre, tu coupes la tête. Ben, il n'y a pas de tête, c'est les deux extrémités. Ça... Et moi, tu fais le verre de terre, oui, regarde. Ben oui, oui. C'est une boussole. Non, c'est une verre de terre. Hey, mon Dieu, t'as mis le verre de terre? Oui. OK. Cette semaine, il fait chaud. Peux-tu mettre le... Oui, le ventilo. Phew. Excusez-moi, je me sens comme Elvis. Elvis, me revient-tu tout? Hein? Je suis excité, moi, là. Comme une veuve qui vient de perdre son mari. En sachant très bien que... Plusieurs attendent leur tour. Parce qu'ils savent que la veuve a gagné, là. Beaucoup d'argent. Est-ce qu'elle l'a tué volontairement? Est-ce un crime? sera-t-elle punie? Cette semaine, et ce jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, désobéirons, ni déshabillerons, et oublierons. Nous oublierons le temps passé à repasser nos souvenirs. C'est le succès. Poursuivrons et lèverons. Ah, bah, oui, le succès, succès. Ah, tous les gens vivent sur le succès. J'ai trouvé le tube, moi. Mais moi aussi, c'est le tube cathodique. Ah, et lèverons à bras de mou celui-ci pour en observer la moindre mouture. La moindre couture, fissure, embouchure, angle, eh, monsieur. Afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Vierge. Ô Vierge Marie, je viens pour toi te louanger. Et surtout, j'aimerais que tu appelles mon boulanger pour me commander du pain de couleur. Qu'à la semaine prochaine, je prépare beaucoup de... Beaucoup de bonheur. Bonheur. Vierge, pâle copie de la variété francophone, enfant titubant, de banc en banc, de banc en banc, oui, de banc en banc, il y a des bancs, là, banc en banc, banc en banc, boute la boulette, banc en banc, boute le boulot, banc en banc, boute la boulette, banc en banc, boute le boulot. Il y a trop de travail, là. Trop de travail à mettre bout à bout. La vie de la factory au coton. Oh, c'est bien sûr que... À force de vendre mes bébelles au Japon. Est-ce que ça serait l'inverse? C'est les bébelles qui viennent du Japon? Non, non, non. Pour vous imaginer mon allure... Qui? Imaginez. Imaginez-moi mon allure. Imaginez-moi le pinson. Le pinson? Oui, le pinson. Imaginez-vous... J'ai déjà de la difficulté à me voir dans le miroir. Comment tu veux que je m'imagine? Sauf que je me place souvent à la place de John Baden. Je me dis, hey, moi, jamais, j'aurais quitté la Terre. Parce que le succès était là. Yoko Gono, la guitare, la vedette... Il y avait toujours un public, même si je faisais des bonnes ou de mauvaises chansons. C'est ça. Quand ils ont enlacé, même si c'est de la pourriture, ils sont là pour t'acclamer. Ah, t'es un héros, t'es un héros. Ah, merci. Ça fait 30 ans que j'ai pas fait de succès. Je suis El Nondon. Le grand El Nondon. Ça te dénigre, hein? C'est moi, là. Je fais plus rien. Je ne suis que le ridicule de moi-même. Mais quoi, c'est Renal Gagné, ça? Non, c'est El Nondon. Mais le public aime ça, la chanson moelleuse, là. Non, c'est mielleuse. Non, moi, c'est moelleuse. Ah, j'ai plus de billets, là. Ça devient de plus en plus dur. C'est vrai, c'est... T'as raison, pour une fois. C'est plus moelleux. C'est une raideur étrange. Je sens presque les piquettes me rentrer dans le fret. Je vois bien des picots me rentrer dans la peau. Je vois bien le succès qui se désiste. Vous pouvez toujours demander à quelqu'un d'être parfait, là. On peut bien, à un moment donné, se laisser aller, puis vaguer sur notre succès, puis s'imaginer qu'on est. Dans le fond, pas grand-chose. Même Elton John, donc. Mais quand même, qui aurait pu dire que cet individu-là pouvait porter des lunettes excentriques à l'envers, à l'endroit, lumineuses, des chansons qui nous ont emportés dans les années 70, 75, 74, hein, et puis 2014, quel grand succès qu'il a fait, hein? Un duo avec l'animateur de... Comment ça s'appelle, donc? C'est KRL. Oh, c'est la radio que j'écoute, moi, tout le temps. Hey, je suis membre depuis 1963. Mais ça n'existait même pas, c'est né en tant que... Hey, une malade, toi. Hey, oh, mais je suis membre depuis ce temps-là. Non, il n'y avait pas de carte de membre, c'était universitaire. T'as pas fait tes devoirs, tu connais pas l'histoire. Je connais l'histoire, mademoiselle. Non, mais ma mémoire est vierge. John Lennon n'était pas vierge. Puis, elle n'était pas non plus. I still have last night in my body. I wish you were with me. I still have last night in my body. I wish you were with me. I wish you were with me. I wish you were with me. I wish you were with me. mettait Franck à la guitare, moi je faisais les batteries, mais chez Pathé Marconi. Il avait le studio à demeure et il était payé pour faire des maquettes. Okay. Et de là est sorti plein de maquettes qui sont devenues des chansons pour Renaud, qui sont devenues déjà le titre L'Éthiopie. Oui. Ça a été fait là, mais on ne savait pas. Okay. Moi, on faisait ça. C'est devenu tout ça, l'Éthiopie. Après, c'est un endroit de création, c'est un endroit où... Alors, on créait, on faisait des maquettes de chansons. Ces chansons sont devenues des tubes. Oui. Puisque l'Éthiopie, après, on avait fait Morgane de Toi, En Claude. De Renaud, tout ça. Mais quand on les faisait, on ne savait pas qu'est-ce que ça allait devenir. Mais vous ne saviez pas que c'était pour un chanteur. Voilà, c'est devenu ça. Plus tard. Mais comment Renaud a récupéré ça? Il l'a récupéré par l'intermédiaire de gens qui connaissaient Franck Langolf. Bon, c'est toujours par le business, quoi. Ah, ouais. Et bon, pensais que c'était musique de Renaud. Non. Franck Langolf, il y avait beaucoup de chansons en cloque. Ouais. De toi. C'est pas de lui, c'est pas Renaud. C'est pas de Renaud. Les paroles, oui, mais pas les musiques. Alors, il y a eu aussi. Chez la mère à Titi. Oui. Il y a eu plein de choses. C'est assez récent, la mère à Titi. C'est dans le camion. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits comme ça. Et vous gagnez votre vie, vous avez gagné votre vie en travaillant dans les studios, en étant... Non, un petit peu. Moi, j'ai travaillé. Ça devait être payant, ça devait être assez rémunérant. Moi, je bossais aussi ailleurs. Ah, vous faisiez un autre travail. Un autre travail. Vous faisiez quoi? Moi, je vendais de la publicité. À qui? À des radios? À des annonceurs, que ce soit des restaurants, des grands magasins, je vendais de l'espace publicitaire. Alors, il faut déjà avoir beaucoup de parlotte, voilà. Comme on dit chez nous. J'avais ce job-là depuis tout le temps. Merci. J'avais ce job-là parce que ça me donnait du temps libre. Je pouvais travailler. J'avais pris ce job exprès pour pouvoir assurer ma vie. Parce que la musique, ça nourrit. À l'époque, c'était pas payant. C'est incroyable. Les maquettes qui ont eu des succès, ah ben oui. Vanessa Paradis, vous ne gagnez même pas votre... Non, mais ça c'est quand on fait une séance. Hein. Oui. Bon, on fait une séance, on est payé la séance, puis c'est fini. Hein. Oui. Alors si le succès, si c'est le succès planétaire, vous n'avez absolument rien. Ah, rien du tout, c'est payé en tant que musicien. C'est quand même... Et même j'ai fait la musique, on m'a appelé pour faire la musique, jouer dans la musique du film des Dalton. Ah oui, ben oui. J'ai fait le générique. D'abord, ils nous font signer... Okay, oui. Tous les droits terminés. Bon, ils te payent ta séance. À 500 000 euros. Hein. Mais après, c'est fini. Donc, alors, je faisais beaucoup de galas. J'ai fait beaucoup de soirées privées en tant que batteur pour gagner ma vie. Mais ce que vous aimez, c'est la scène. C'est de présenter devant le public. Ah, j'ai toujours. J'adore ça, moi. Êtes-vous du genre à improviser beaucoup à l'harmonica Je fais tout. Okay. Moi, l'harmonica, je joue tous les harmonicas. Combien il existe d'harmonica? Il y a déjà, on peut dire, il y a trois catégories. Un peu de la base, il y a trois catégories. Il y a les harmonicas chromatiques, les harmonicas diatoniques et trémolo et les harmonicas diatoniques Richter. We'll be right back. chanson guerrière pour les loups. Et la chanson triste qui tire la larme de l'artiste. Et puis il y a la chanson gay pour tout le monde, surtout l'été. Mais il y aura toujours la belle, chanson d'amour. Mélodie, Mélodie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Ma Mélodie, mamie, pourquoi t'es partie? Mélodie, Mélodie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Ma Mélodie, mamie, pourquoi t'es partie? Y'a la chanson rock, la chanson country qui débloque. Y'a la chanson salsa qui vient du jazz vers Saint-Java. Et puis la chanson bohème, la chanson de blues que l'on aime. Mais pour chacun son tour, la belle chanson d'amour. Donc, par exemple, Dylan, il joue de quelle harmonica? Qui? Et Bob Dylan. Bob Dylan, c'est, il joue avec un harmonica diatonique, okay. Richter. Il joue avec ça, soit il joue avec un spécial bain ou un arc, ou alors un piccolo, ou, bon, peu importe. Mais il joue pas très bien, il paraît. Hein? Non, c'est pas un harmoniciste. Okay. Bob Dylan, c'est pas un harmoniciste. Il, okay. Il accompagne. Il a amené l'harmonica en... Le oui, son, oui, oui, oui, bon, il est devenu voilà, populaire, bon, voilà, mais c'est mais pas c'est un bon pas un, c'est pas un harmoniciste, okay. Harmoniciste, c'est un art. C'est un grand mot, c'est un déjà, art. Hein, bon. Moi j'ai touché à tous les harmonicas qui existent, hein. Parce qu'après il y a les harmonicas de base, et après les harmonicas spéciaux, comme les polyphonias par exemple, comme ça. Ah oui, oui, comme chez vous, voilà, ça c'est un harmonica, alors, c'est il est à l'envers, c'est pas grave. Oui, d'accord. C'est pas grave, ça c'était là quand j'étais. Oui, oui, oui, oui, ça on l'a vu sur l'autre. Ça, donc voilà, ça c'est un harmonica qu'on appelle un corde ou un polyphonia. Ok. Là, celui-là, là. Ok, ok, ok. Okay. Alors, ah oui, oui, oui. Ça c'est oh, un harmonica qui ne fait que des accords. Ok. Ça remplace le clavier ou la guitare. Chaque 5 tocs c'est des accords pleins, il y a deux rangées. En aspirant c'est un accord, en soufflant c'est un autre accord. Les majeurs et les mineurs. Hein. Il y a tout là-dessus, ça remplace le clavier. C'est-à-dire lui, il prend la place de la rythmique. Le soliste, il joue avec un diatonique, par exemple, comme ça, là, tu vois. Mais on n'en voit pas beaucoup sur scène, des musiciens. Voilà, qui... Ça, c'est, ah, oui, vois, oui, ça okay. C'est un diatonique Richter. Okay. Okay. Alors après, il y a plusieurs marques et plusieurs tonalités. Okay. Là, on est dans une tonalité de mi. Okay. Et qu'est-ce que ça donne? De ça. Oh. Ah oui. Bon, par exemple. Ah oui, oui. On sent la gueule, hein? On sent le soleil, c'est le soleil actuellement. Tu vois, justement, ça. Après, tu as un autre. Pareil, ça c'est dans la même marque. Ça c'est un son session blues. Ok. Voilà. Voilà. Tu vois, voilà. C'est bon. Un c'est... Tu peux c'est faire incroyable. Plein de choses, mais tu peux faire milliards de choses. Oui, mais vous pouvez improviser de voilà. Manière assez extraordinaire. Improviser ce que tu veux. Et les gens sont, voilà. Sont omnibulés. Ça, c'est déjà dans la poche. Ça, oui. C'est improvisé. Mais c'est ça, c'est déjà dans la poche. Hein. Vous, comme, vous rentrez sur scène avec ça. Et le spectacle est déjà voilà. Dans. Après, voilà. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire. Par exemple, avec ça, tu peux faire ça. Oui. Tu peux inventer plein de choses différemment, ouais. Alors qu'il se joue comme ça. Ça n'a rien à voir. Non, c'est vrai. Tu vas voir. Mais c'est vraiment... On sent que vous avez commencé très très tôt, 5 ans, là. C'est le travail, c'est la... Il y a beaucoup de... Mais c'est l'alchimie avec l'instrument, voilà. Aussi. Vous le connaissez par cœur, vous savez comment... Et donc ça, si tu veux, ça... Si le manuel a raison. Comment ça? Ben, le micro, lorsque je l'ai acheté il y a quelques années, on m'a amené des indications. Là. Il y avait comme un profil microphonique. Là. Un peu comme la biographie de ce que j'allais acheter puis présenter au public. Là. Le son là, que ça allait donner. Puis c'est ça. Dans ce manuel... Il était indiqué qu'on ne pouvait pas capter le son au-delà du réel, au-delà du réel, réel, il dit, c'est dans le réel que réel est là, c'est dans la réalité qu'on peut former des équations. Non, c'est, en dehors, c'est trois pieds. En centimètres, c'est 3 mètres. Puis en once, c'est 18 onces. C'est grave. Si tu es au-delà de 18 onces de ton micro, à dégoûter, parce qu'on sue à faire cette émission-là, je ne sais pas si le public le sait. Non, ils ne savent pas. Ben on sue. Est-ce que vous le savez? Là, ils savent. On sue, oui. On sue, on sue, on sue. En fait, c'est écrit micro en sus. Fait que j'ai ouvert la boîte, il n'y avait pas de micro. Là, je rappelle la compagnie. Micro! Non, ça s'appelait micro, ça s'appelait Shire. Ouais, non, Shire, c'est vraiment Shire. Shire, je t'ai trouvé sur Internet. Tu sais, j'avais un clavier, là. Mon beau-frère m'avait branché un ordinateur, là. Ma belle-sœur m'avait ployé par en arrière. Elle est bonne là-dedans, la belle-sœur. Ah, oh, elle ployé par en arrière, puis là, elle te flatte dedans. Ah, ça, là. Hein? Non, c'est normal, là. Je veux dire, il n'y a rien d'extra. Ben, en fait, elle m'a fait un extra, c'est parce qu'elle m'a branché une souris puis un clavier. C'est extra, un clavier qui joue de l'arc-en-ciel au bord de le cheval d'été. Et je demande de vous dire une figure du soleil. C'est extra. Alors, elle m'a fait extra. Gratos, pourquoi pas? Moi, jamais juré, regarde, branche-moi ça par en arrière, clavier, souris, vas-y. Il y a de la place, là. Il y a combien de ports USB? Là, il y a un gros port, USB 3, je sais-tu, moi, USB 1, USB 2. C'est pas compliqué, il y a 3 USB. Il y a USB 1. Oui, ça, c'est OK, oui. Il y a USB 2. OK. Est-ce que je peux deviner l'autre? C'est USB 3. Ben bravo, mon champion. Alors, on te branche 3 claviers puis 12 souris. Ben qu'est-ce que tu fais? J'ai un ordinateur. Un clavier, une souris, pour moi, c'est assez, c'est déjà trop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un clavier? Ben tu tapotes. C'est confortable, hein? Les doigts aiment ça. Ça se modifie, hein? On écrit des mots. Ça n'a pas de bon sens. C'est anéresneres. C'est quoi? C'est du japonais? Non, c'est du russe. J'ai jamais appris le russe, moi. Non, mais c'est un clavier russe. Oh mon dieu. Il y avait des abeilles dedans. Oh mon dieu. Non, c'est pas une ruche. Non, c'est russe. Russe, abeilles. qu'est-ce que je voulais dire par là? Je sais pas. Moi, là, j'ai perdu le fil. Fil! On a 3 fils, USB 1, USB 2, USB 3. Moi, je te conseille clavier et puis souris USB 1. Pas plus, parce que USB 2, ça va aller plus vite, puis ton cerveau est à USB moins 3. Et, on m'a jamais dit ça, mon médecin, mon neurologue. Celui qui connaît très bien mon cerveau. Et il pleure depuis ce temps-là. J'ai jamais vu ça, c'est épouvantable. On m'a dit que c'était un humain. D'après moi, c'est... un melon d'eau. Plus d'eau que de melon. Ouais, il y a de l'eau là-dedans. Puis en plus, même pas de l'eau. J'ai analysé ça, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Oh. Même pas de champagne. C'est du puits. Ah, mon Dieu. On se peut plus. Alors, l'avocat, c'est peut-être un avocat. Pas le fruit, celui qui plaide. Qui plaide. Ah, je me suis fait mal hier. Regarde ma plaie. Plaider. C'est pas comme ça jusqu'à la fin. Ben, il reste quelques minutes. Patientez, madame, là. Quand j'appelle, moi, là, pour savoir quel port prendre. Est-ce que c'est le port d'Amsterdam sur le port 3? Est-ce que c'est le port de Jonquière? Y a-t-il un port à Jonquière? Dans le port de Jonquière, y a une espèce de papu qui me freine de barbu, qui me tire la perrue. Non, c'est... Ça, c'est... USB 1, c'est quoi? C'est le... Dans le port de Québec. Y a des jeunes filles secs. Pas de jeunes filles. Non, j'ai des filles secs. Je sors de jeunes filles secs. Qui cherchent leurs braguettes. De qui? Des marins. Et où sont les braguettes? Les jeunes filles cherchent les braguettes. Où sont les braguettes? Parce qu'ils sont payés à la braguette. Plus ils descendent de braguettes, c'est comme The Price is Right. C'est des filles faciles, là. 20$ la braguette. Baisse la braguette. Hey, monsieur. Hey, Carla. Et croyez-moi, Et croyez-moi, Carla n'était pas brunie par le soleil, elle était blanche. Parce qu'elle faisait une baisse de le sucre là, était en bas de ses bas de nylon, puis c'était tombé dans sa grosse orteille. Ah, c'était plus gros, c'était juste une citrouille. Pas elle, là, mais sa torteille. Grosse torteille. Ah, c'est... Elle traînait ça. C'est pas très chic avec ses talons hauts. Là. Elle avait enlevé son talon parce qu'elle avait juste deux. Elle en fait un, puis un talon haut, une grosse torteille. Elle avait besoin de baisser des baguettes, puis elle était payée à 20$ la baguette. On rit bien, mais c'est pas drôle. L'avocat dit! Et puis, n'oubliez pas que... Est-ce que puis-je avoir de l'écho? Drôle d'écho, s'il vous plaît? Non, celui-là? Merci. Et puis, n'oublie pas que nous sommes dans un monde d'hommes, avec des lois faites par des hommes et pour les hommes. C'est la justice des hommes. Merci. Merci. Ils applaudissent pas, ils pleurent, ils changent de poste, ils ne comprennent pas. Non, merci, merci. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Comme le mentionnait Jim Morrison, et je le comprends, errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. L'érotisme, ça n'a pas de sens ce soir, là, ça porte à confusion. L'érotisme, c'est lune, non, c'est pas c'est lune. C'est lune et c'est soleil, c'est étoiles et c'est arcs-en-ciel. C'est astres et désastres, c'est mots et remous. On reprend. L'érotisme est l'une des bases de la connaissance de soi, aussi indispensable que la poésie. Cela vient d'Anaïs Nin, extrait d'Être une femme et autres essais. C'est intéressant, là. Peut-être que vous connaissez pas beaucoup Anaïs Nin. Courte biographie, très courte. En fait, je serais presque dans les revues à potins, là. Elle est morte, bon. Hey, Gaétane, pas le temps de pleurer, ça fait des années qu'elle est morte, là. Voyons donc, elle est ensemble, là. Arrête-moi ça, là. Hey, rip. Bon. Anaïs Nin. C'était la muse d'Henri Miller. Ça clique-tu, là? Ça clique-tu? Non, ça clique pas. Henri Miller, Anaïs Nin. Non? Non, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe ce soir. Mais c'est quand même... On va la redire parce qu'il faut que j'improvise là-dessus, là. L'érotisme est l'une des bases de la connaissance de soi, aussi indispensable que la poésie. Je viens dire ce soir mon poème, enfin ma citation, c'est Nin, Nin. Enfin, m'appelle Nin. On m'a dit c'est pas si vendable, tu ne vendras pas un maudit livre. J'ai habité à Québec pendant 22 ans. En fait, je faisais Québec, New York, New York, Québec, Québec, New York, New York, Québec, Québec, New York, New York, Québec. Pour ça, j'ai un petit accent québécois. Mais c'est Anaïs Nin, en personne. Pas mort. Non, pas mort. Pas ensemble. Tout à fait vivant. Preuve, Anaïs Nin, c'est moi. Alors, je vais expliquer un peu mon texte parce que ça semble obscur auprès de cette auditrice-là, là, qui a la bouche ouverte. Faites attention, la mouche hivernale peut pénétrer dans ta bouche et te faire de vilaines caries. Oui, parce qu'elle distribue le miel sur les dents et ça pique dans la molaire, dans l'auriculaire. Et dans ta brassière, l'érotisme est l'une des bases de la connaissance. Mais si tu ne connais pas ta propre personne, comment peux-tu l'explorer l'être de l'autre. L'être de l'autre, l'être de l'autre, l'être de l'autre. Mais l'autre, l'autre, l'autre, oui. Mais l'être de l'autre, oui, l'autre, c'est l'autre. Oui, mais toi, oui. Est-ce que tu te connais, toi? Moi, oui. L'autre, pas vraiment. Mais tu te connais pas, toi. Parce que pour connaître les autres, faut te connaître, toi. Toi, toi, non, comment c'était pas? Toi, toi, mon... Ah, on l'a fait dessus, on l'a tué, on l'a... Elle est où, elle est où? Elle est juste ici. Oh, ça peut-être, mais ça me plairait de... Non, on peut pas. Ah, l'érotisme. Aussi indispensable que la poésie. Alors, fais rimer ton corps de l'intérieur vers l'extérieur. Fleuris l'horizon. Et les mots de ta sensualité envahiront l'autre. Anaïs Nindi, dans son extrait d'être une femme et autres essais. Si tu comprends pas, là, essaie pas de saisir. T'es bouché, mon bouchon. Alors, vous ne sortez jamais sans vos harmoniques. Non, j'ai toujours un ou deux sur moi, parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai au moins 200. Hein. John Wayne, c'est son fusil, vous, c'est votre harmonica. Voilà, voilà. Et tu changes d'harmonica selon les tonalités. Là, il y a plusieurs tonalités. Donc là, je suis en mi, je peux jouer avec ça, je peux jouer en mi, et je peux jouer en la. L'autre, c'est en sol, je peux jouer en do. Sol, do. Donc, c'est là toujours la quinte et tout ça. Donc, il y a plusieurs harmonicas, donc j'ai une ceinture. Où il y a... okay. Après, tu as les chromatiques aussi. Alors, vous les choisissez selon... Selon les morceaux que je vais interpréter. OK, okay. Avec l'orchestre. Le... Mais vous avec pouvez l'orchestre, travailler... tout seul, j'ai les bandes. Oui, c'est ça, vous pouvez être soliste aussi. J'ai fait du one-man show beaucoup. OK. J'ai les bandes, j'ai un one-man show de 2 heures. J'ai toutes les bandes orchestre derrière que j'ai créées. Okay. Et j'arrive, je sais comme si j'avais l'orchestre derrière moi. Et vous êtes un peu... vous pouvez faire la moitié chanter, la moitié instrumentale. Donc, ou vous pouvez faire... Je chante, je joue, tout. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé le showman de l'harmonica. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est vrai, le showman de l'harmonica. Oui, et ça porte bien son nom. Et là, ça se voit beaucoup là, sur le DVD. Oui, OK. Ben oui, on vous voit. Voilà. Donc, c'est... Mais lorsque vous vous produisez sur scène, c'est lors des festivals, donc c'est des moments festifs, tout le monde est prêt à s'amuser. Non. C'est aussi... Je me produis dans plusieurs secteurs différents. Oui. Parce que moi, j'adore le public et j'ai pas de... Je joue, par exemple, dans un bistrot comme ça, hein, devant... Hein. Je mets ma sono, les bandes, je joue dans un gros festival qui a 15 000 personnes. Ah, oui. Alors je vais aller jouer tout seul ou je viens avec le groupe. Voilà, là je m'en vais, on a joué là, cette semaine là, dimanche, entre samedi et dimanche, on a fait 4 galas. Okay. Et dimanche, vous en faites un dans dimanche, on a fait un très très gros concert avec le groupe, okay. Deux parties, dans un festival en banlieue sud parisienne. Un très gros festival, c'est comment ça s'appelle, le Youth Locomotion. Oh, ouais, okay. C'est que des motos, plein. Rock, Est-ce que vous écrivez aussi? Oui, j'écris mes textes. En français? Mes chansons, en français, oui. Okay. Toutes mes chansons, j'ai... Mais vous faites aussi des reprises Je chante en anglais aussi. Okay. Là, mon nouvel album. Oui. Le nouvel album, il est presque fini, là, dans la voiture. Là. Je l'ai appelé Retour aux sources, parce que j'ai repris des chansons que je chantais quand j'avais 18 ans. Là. Donc, sous the cue, je l'ai repris. Alors, ce qui est introuvable va redevenir, pour les amateurs, pour les gens qui vous ont suivi depuis le début, la nostalgie est au rendez-vous. Alors, j'ai repris des titres comme That Be The Day, mais en instrumental. Juste une partie chantée, mais toutes les mélodies, c'est fait harmonica. Thank you.